La vie que je mène, c'est la vie d'un fou. Cette vie m'entraîne, qui dira jusqu'où? À chaque seconde, meurt un souvenir. Mais où va le monde? Vers quel avenir? Regardez les roses, écoutez les gens. Le bonheur se pose, l'ombre d'un instant. De jour en semaine, le temps repart en tout. La vie que je mène, c'est la vie d'un fou. La vie que je mène, c'est la vie d'un fou. Un vent se déchaîne qui renverse tout. Je prie et j'espère que l'on comprendra, car le mal sur terre n'explique pas. Mais il ne m'écoute, il entend ma voix. C'est chacun sa route et chacun pour soi. Le diable lui-même n'est plus dans le coup. La vie que je mène, c'est la vie d'un fou. La vie que je mène, cette vie m'entraîne, qui ira jusqu'où? La vie que je mène, c'est la vie d'un fou. La vie que je mène, c'est la vie d'un...